La griffe du roi des dragons par Judith Gauthier. Petit, est-ce que tu ne vois pas enfin revenir ta grande sœur? Mes pauvres yeux sont pleins de poussière et je ne vois rien. Moi, grand-mère, je vois très loin. Jade pure ne vient pas. C'est vers la montagne des immortels qu'il faut regarder, parfum brûlé. Ta sœur y est montée pour cueillir des plantes médicinales. Je vais aller jusqu'au tournant de la route. L'enfant se mit à courir. Et bientôt sa voix aiguë cria « Elle vient, elle vient !»« Mais qu'est-ce qu'elle a ?»« Grand-mère, grand-mère, elle est folle !» L'enfant galopait tout effrayé et vint se jeter contre les genoux de la vieille femme, se cachant la figure dans les plis du vêtement. Presque aussitôt, Jade Pure apparut au tournant de la route, courant à toutes jambes dans un envolement d'étoffe, tandis que les deux corbeilles, pendues par trois cordes au-debout du fléau posé sur ses épaules, bondissaient éperdument. Elle était pâle comme le jade dont elle portait le nom. Sans laisser le temps à son cœur d'apaiser ses battements, elle s'arrêta et, penchée vers l'oreille un peu dure de sa grand-mère, lui dit d'une voix entrecoupée « J'ai vu et entendu des choses terribles. Il faut que j'obtienne ce soir même une audience du vice-roi. »« Une audience du vice-roi ?» répéta la vieille au comble de la stupeur. « Il me chargera sans doute d'une mission et je serai absente longtemps. » Elle s'enfuit de loin, cria encore « Au revoir, dites aux bonzes de prier pour moi. » Jade pure, Jade pure, ne nous abandonne pas !» gémit l'aïeul qui tremblait tellement que son fagot de bois sec cliqueta sur son dos. Et le petit parfum brûlé se mit à pleurer à chaudes larmes. Le vice-roi du Fokiang résidait à Liangqiang, la capitale de la province, et son palais magnifique, avec ses jardins et ses dépendances, couvrait une surface immense. Devant l'entrée principale, deux lions de pierre se cabraient pour soutenir une poutre de bois rouge à laquelle était suspendu un gong énorme au métal étincelant. Jade Pure avait gravi les marches et haussé sur ses petits pieds, avec une violence surprenante de ses poings fermés, tapait sur le disque sonore qui flamboyait au soleil couchant. Bien que ce gong fût placé là pour permettre au plus infime sujet de l'éveiller afin d'en appeler à la justice du vice-roi, personne n'osait jamais l'effleurer, et quand roulèrent les brombissements formidables du bronze mêlé d'or sous les poings délicats de la jeune fille, les gardes s'élancèrent-ils, la lance levée pour punir et chasser l'imprudent qui se rendait coupable d'une telle chose. À travers la paix et le silence du soir, seul en un pavillon où il aimait à lire et à rêver, le vice-roi perçut les lointaines vibrations du gong de justice, et comme c'était la première fois qu'il les entendait, il eut la curiosité de savoir qui l'avait frappé et ce que réclamait ce mécontent. C'est pourquoi Jade Pure, au lieu d'être chassée, fut conduite par des cours, des galeries, des jardins, devant le très majestueux mandarin, et comme il convient, tomba à genoux à quelque distance de la présence auguste. « Comment ? C'est toi, fillette, qui fais tout ce vacarme ? À la porte de mon palais ? » dit-il en marquant de son doigt une page du livre qu'il referma. « Quel tort t'a-t-on fait, et qu'est-ce que tu implores de ma justice ?»« Que votre grandeur me pardonne !» dit la jeune fille en levant ses yeux humides comme ceux d'une gazelle. « Jamais ma petitesse n'aurait eu la force de réclamer même contre les pires injustices, et je ne serais pas ici s'il ne s'agissait pas de votre grandeur et d'un service que je dois lui rendre. » « À moi, qu'est-ce que tu dis ?»« Au noble fils de votre grandeur, plutôt. J'étais témoin d'un prodige, et je sais des choses que je ne devrais pas savoir. »« Vraiment ?» dit le mandarin avec un sourire un peu moqueur. « Eh bien, voyons ces choses. » Jade Pure s'assit sur ses talons et les yeux à demi fermés, d'une voix haute et monotone, comme si elle lisait un livre, parla tout d'une haleine. Sur la montagne des immortels, où je cueillais les herbes précieuses, je suis montée aujourd'hui, sans m'en apercevoir, beaucoup plus haut que de coutume. Tout à coup, en ce lieu toujours désert, j'entendis des voix et je vis, par la fente d'un rocher, deux hommes qui ne pouvaient être que des génies examiner attentivement une haute pierre couleur d'ambre. L'un était un vieillard à cheveux blancs couvert d'un manteau blanc. L'autre, un homme de belle mine dans la force de l'âge. « C'est bien ici, » dit le vieillard. « Voici la pierre tombée du ciel. »« Alors frappons-la, pour qu'elle devienne vivante, » répondit l'autre. Et en même temps, ils frappèrent tous les deux du plat de la main sur la pierre. Bientôt, elle s'anima, et un personnage, beaucoup plus grand que les deux génies, s'en dégagea en secouant des éclats et de la poussière. Il était assez effrayant, avec une bouche lipue et une large tonsure au milieu du front. Pourtant, il salua respectueusement les deux hommes en disant « Que voulez-vous de moi ?»« Nous t'avons éveillé pour accomplir une mission importante, écoute bien. » Il y a plusieurs siècles, le roi des dragons, en remontant de l'abîme, se cassa et perdit une de ses griffes. Elle est demeurée depuis dans le trésor des fils du ciel et il a été impossible de la reprendre. Mais aujourd'hui, elle est sortie du trésor. L'empereur l'envoie dans une province désolée par la sécheresse pour que la sainte relique y amène la pluie. Le roi des dragons vous récompensera si vous pouvez saisir cette griffe et la lui rendre. L'empereur l'a confiée au fils du vice-roi du Fokiang, avec menace de mort s'il ne savait pas la conduire où elle doit arriver. Il sera facile de dérober la relique au messager. Allez donc et hâtez-vous. » La pierre changée en homme se précipita vers la vallée et disparut. « Ce jeune homme ne saura pas défendre la relique, dit le vieillard, ni la reprendre si on la lui ravit, car il ignore que pour mener à bien sa mission, il faudrait qu'il fût guidé par une jeune fille pure qui posséderait un éclat de la pierre vivante. Là-dessus, ils s'évaporèrent, et je ne vis plus rien. Mais poussé par une inspiration du ciel, je saisis un éclat de la pierre et je descendis en courant la montagne. Je vous supplie de m'envoyer votre fils afin que je le sauve. » Le mandarin se caressait le menton et souriait d'un air incrédule. « J'ai écouté ton histoire, ma fille, parce qu'elle est assez singulière. Mais tu l'as certainement rêvée. Rentre chez toi et ne t'inquiète plus. Mon fils n'est pas en danger. » On poussa aussitôt Jade Pure dehors et on ne s'occupa plus d'elle, car le palais était mis en rumeur par l'arrivée d'un messager. En s'éloignant, la jeune fille était comme étourdie. Elle se demandait si, en effet, elle ne l'avait pas rêvé. Pourtant, elle tâtait la pierre suspendue à sa ceinture dans un petit sac et lui parut qu'elle s'agitait comme une bête vivante. Avant que Jade Pure eût perdu de vue le palais, elle entendit que l'on courait en criant derrière elle. Un groupe de serviteurs du vice-roi la rejoignit, l'arrêta, un grand eunuque la prit dans ses bras et, rebroussant chemin, à toutes jambes, l'emporta. Elle se retrouva devant le vice-roi, dont le visage était bouleversé et qui arpentait la salle fébrilement. « Jeune fille, jeune fille » s'écria-t-il, « tu as dit vrai. Un messager de Cèdre d'Or m'apprend que l'empereur lui a confié en effet la plus précieuse des reliques, une griffe du roi des dragons, pour la porter dans une pagode lointaine. Que sais-tu de plus? Où est mon fils en ce moment ?» Jade Pure prit la précieuse pierre qu'elle portait à sa ceinture et l'approcha de son oreille. Elle entendit d'abord un murmure sourd et confus qui peu à peu se précisa et elle perçut des paroles qu'elle répéta à mesure. « Il est à 200 lis seulement d'ici, sur le territoire du Fokiang. Il ne sait pas encore que la griffe du roi des dragons lui a été dérobée. »« Bah, bah, ma fille !» dit le mandarin en trépignant d'impatience. « Le cortège est prêt, les chevaux sont harnachés. Bah, bah, brûle la route, sauve mon fils !» Depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois, Cèdre d'Or, guidé par Jade Pure, poursuivait le ravisseur de la sainte relique par les forêts, par les montagnes, par les déserts. Le fils du vice-roi et la jeune fille étaient presque à bout de force, mais non pas à bout de courage. Jade Pure s'était présentée sous le costume d'un jeune garçon à Cèdre d'Or et ne savait pas qu'elle était une femme. La pierre magique qu'elle portait ne parlait qu'à elle. Il la suivait avec confiance, car il ne perdait jamais les traces du voleur qu'il ne pouvait joindre mais qu'il serrait toujours de près. Cèdre d'Or était fort brave et instruit, digne en tout point de la faveur dont l'empereur l'avait honoré, et seuls des génies mortels pouvaient triompher de lui. Il luttait pourtant grâce à la pierre magique, qui l'égalait presque à son adversaire. La tactique avait été d'empêcher le ravisseur d'approcher des domaines du roi des dragons, car la relique ne pouvait être rendue qu'au dragon lui-même. Ce soir-là, Cèdre d'Or et Jade Pure étaient étendus sur une grève au bord de la mer, attendant la marée et le vent pour s'embarquer sur une petite jonque couchée sur le flanc à quelque distance dans le sable que l'eau n'atteignait pas encore. Cette fois, il fallait quitter la Chine pour continuer la poursuite du voleur fugitif qui avait passé là quelques heures plus tôt et avait fui sur la mer. Jade Pure se sentait le cœur serré à l'idée de s'éloigner de son pays, de se confier aux vagues capricieuses sur une aussi frêle embarcation. Elle songeait à sa chaumière, aux vieux sapins tortus, aux iris et aux nénuphars qui bordaient le petit étang, tout en or au soleil levant. Et nous, un oiseau venait boire. Sans doute elle ne les reverrait jamais. Allait-elle enfin atteindre le but ou fallait-il perdre tout espoir? En tout cas, celui qu'elle avait voulu sauver échapperait à la mort. Une fois hors de Chine, il n'y rentrerait que lorsque la sentence serait rapportée. Alors, si elle revenait, elle, c'est lui qu'elle ne reverrait plus. Cendre d'or, couché sur le sable, regardait Jade Pure à la dérobée. Le soupir qu'elle poussa répondit par un soupir pareil. Il savait maintenant que Jade Pure était une jeune fille. Un courrier de son père venait de lui révéler ce mystère qui éveillait en lui un trouble profond. Un à un, les bateaux se relevaient dans le petit port de Liangqiang. La jonque fut à son tour atteinte par l'eau. Les deux marins qui la montaient dressèrent le mât, tendirent la voile de paille d'un sifflement à plaire nos deux passagers, et bientôt, bondissant sur les lames, la jonque s'éloigna du rivage. Poussée par un bon vent, elle aborda, après 3 jours de navigation, à la petite île d'Okinawa-Sima, au Japon. La contrée était ravissante avec ses falaises dont les fleurs et les lianes croulaient en cascade, ses tapis de mousse, sa verdure claire qui contrastait avec le ton sombre des vieux cèdres. Les voyageurs n'avaient pas le loisir de s'attarder dans la contemplation de la nature. Jade Pure, les yeux demi-clos, interrogeait la pierre, car aucun vestige de celui qu'il poursuivait n'était visible. La pierre indiqua une forêt, dont la lisière barrait comme d'un mur le côté droit du paysage. Elle s'élança dans cette direction, et Cendre d'or la suivit. « Il me semble, dit-elle tout en courant, que mon talisman n'est plus aussi lucide depuis que nous avons touché une terre étrangère. La voix qu'il recèle est très lointaine et confuse. »« Hélas, s'écria Cèdre d'or, que ferons-nous sans ce guide? Allons-nous perdre la trace de la précieuse relique? Me faudra-t-il rester ici en exil ?» Il ajouta plus bas. « Y resteriez-vous avec moi ?» Jade Pure rougit, mais ne répondit pas. « Chut, dit-elle, j'entends des voix et des rires. » Ils étaient entrés dans la pénombre verte de la forêt. Avançant avec précaution, ils virent entre les branches toute une société assise en cercle dans une clairière et jouant à différents jeux avec une gaieté bruyante et un complet laisser-aller. Une belle femme se penchait vers un homme, très corpulent, à la tête rasée, qui lui parlait tout bas d'un air tendre. « Allons-nous-en, chuchota Cèdre d'or. Nous n'avons que faire de ces gens-là. N'est-ce pas notre voleur qui a changé de forme ?» Ils s'éloignèrent. Mais Jade Pure était inquiète, comme désorientée. La pierre magique contre son oreille ne laissait plus entendre qu'un grondement sourd. Tout à coup, les flammes crépitantes brillèrent derrière des buissons et ils virent un démon effrayant qui remuait avec un trident rougi au feu un âme à informe d'animaux vils et de débris humains. Le démon à la face horrible proférait des malédictions. Cèdre d'or, qui était savant, dit tout bas. « C'est Tsotsum, un des serviteurs de Fonsetati, le roi de la ville infernale. Il habite la terre, préside à la cuisine et surprend les aveux des hommes pendant leur sommeil. Il a fait sans doute le dîner de ces bruyants joueurs. » Mais le démon tourna les yeux vers ceux qui l'épiaient et ce regard les brûla comme un jet d'eau bouillante, si bien qu'ils s'enfuirent et coururent longtemps sans s'arrêter. Ils se retrouvèrent sur la grève où ils avaient débarqué. Là, deux jeunes garçons causaient et l'écho répercutait leur voix claire de sorte que l'on entendait toutes leurs paroles. « Je te dis que le dragon japonais qui n'a que 4 griffes a été fâché. »« Pourquoi ?»« Parce que la terre a tremblé quand la 5e griffe du dragon chinois a touché notre île. »« Oui, et l'a envoyé une de ses sirènes qui s'est emparée du coffret d'or. » Les deux lutins tournaient l'angle du rocher et Jade Pure s'élança vers eux pour en entendre davantage. Mais les lutins avaient disparu. Il y avait alors une femme richement vêtue, les cheveux épars, qui arpentait la grève en déclamant un poème, et ce qu'il disait était si beau que Jade Pure se sentait inondée de joie. Elle tomba à genoux et joignit les mains quand la poétesse s'arrêta devant elle. Celle-ci lui souriait et dit d'une voix harmonieuse « Puisque tu comprends la poésie, tu es digne d'être exaucé. » Le coffret qui contient la griffe du roi des dragons était jeté à la mer. Une vague l'a rejeté à mes pieds, et je l'ai donné à la grande prêtresse de Tensiodaitsin, la déesse soleil. Bah, chante-lui mon poème, elle te donnera la relique. » En même temps, elle lui mit dans la main le poème écrit sur du satin blanc, et aussitôt, Jade Pure sentit qu'elle était capable de le chanter. La poétesse la conduisit vers une grotte, où une danse sacrée dans un costume magnifique et armée d'un sabre gardait l'entrée. Elle revêtit Jade Pure d'une robe de cérémonie, lui donna un instrument de musique, et l'emmena jusqu'au fond de la grotte. La grande prêtresse était merveilleusement belle. Elle s'entourait de nuages en fumant une petite pipe d'argent, et cependant elle éblouissait. Jade Pure, comme transportée, hors d'elle-même, chanta de toute son âme, et lui sembla qu'elle montait au ciel. La jonque vient d'aborder sur la rive de Chine. Cèdre d'or serre sur son cœur la jeune fille qui l'a sauvée en lui rendant la relique. « Que j'ai hâte d'être revenu auprès de toi et que tu deviennes ma femme chérie, » dit-il. Puis il s'arrache d'elle en pleurant et enfourche un cheval fringant qui se cabre et part au galop. Jade pure, heureuse et fière, se met en route à son tour, mais dans une autre direction. Ceux qu'elle a vaincus lui en veulent encore, car un orage furieux la poursuit. Louis Quinn, le valet du tonnerre, tape à tour de bras sur son cercle de gong et lance 20 fois la foudre, mais il n'atteint pas la jeune fille, qui revoit enfin le petit étang bordé d'iris et de nénuphars, couleur d'or au soleil levant, et où vient boire un oiseau. Ainsi s'achève La griffe du roi des dragons, par Judith Gautier.